Le pré commençait à se remplir, et les ménagères vouertaient, avec leurs grands parapluies, leurs paniers et leurs bambins. C'était le moment de l'examen, et les cultivateurs, les uns après les autres, entraient dans une manière d'hippodrome que formait une longue corde portée sur des bâtons. Les bêtes étaient là, le nez tourné vers la ficelle, et alignant confusément leurs groupes inégaux. Des porcs assoupis enfonçaient en terre leurs groins. Des veaux beuglaient, des brebis bêlaient. Les vaches, un jarret replié, étalaient leur ventre sur le gazon et, ruminant lentement, clignaient leurs paupières lourdes sous les moucherons qui bourdonnaient autour d'elles. Cependant, entre les deux rangées, des messieurs s'avançaient, d'un pas lourd, examinant chaque animal, puis se consultaient à voix basse. L'un d'eux, qui semblait plus considérable, prenait tout en marchant quelques notes sur un album. C'était le président du jury, monsieur de Roseraie de la Panville. Sitôt qu'il reconnut Rodolphe, il s'avança vivement. Il lui dit en souriant d'un air aimable : « Comment, monsieur Boulanger, vous nous abandonnez ?» Rodolphe protesta qu'il allait venir, mais quand le président eut disparu, « Ma foi non, reprit-il, je n'irai pas. Votre compagnie vaut bien la sienne. » Et, tout en se moquant des comices, Rodolphe s'arrêtait parfois devant quelques beaux sujets que Madame Bovary n'admirait guère. Il s'en aperçut, et alors se mit à faire des plaisanteries sur les dames d'Yonville, à propos de leur toilette. Puis il s'excusa lui-même du négligé de la sienne. Elle avait cette incohérence des choses communes et recherchées, où le vulgaire d'habitude croit entrevoir la révélation d'une existence excentrique, les désordres du sentiment, les tyrannies de l'art, et toujours un certain mépris des conventions sociales, ce qui le séduit ou l'exaspère. D'ailleurs, ajouta-t-il, quand on habite la campagne, tout est peine perdue, dit Emma. C'est vrai, répliqua Rodolphe. Songez que pas un seul de ces braves gens n'est capable de comprendre même la tournure d'un habit. Alors, ils parlèrent de la médiocrité provinciale, des existences qu'elle étouffait, des illusions qui s'y perdaient. Aussi, disait Rodolphe, je m'enfonce dans une tristesse. Vous, fit-elle avec étonnement, mais je vous croyais très gai. Ah oui, d'apparence, parce qu'au milieu du monde, je sais mettre sur mon visage un masque railleur. Et cependant, que de fois, à la vue d'un cimetière au clair de lune, je me suis demandé, je ne ferais pas mieux d'aller rejoindre ceux qui sont à dormir. Oh, et vos amis, dit-elle, vous n'y pensez pas. Mes amis, lesquels donc? À neige? Qui s'inquiète de moi? Il accompagna ces derniers mots d'une sorte de sifflement entre ses lèvres.